rassasiés de mots. Ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis comme un homme sans force, abandonné parmi les morts. Tu as éloigné de moi mes amis. Les ténèbres sont ma compagne. Mes compagnons sont les ombres.